L'actualité à Nancy et ailleurs. L'association Solimal organise sa traditionnelle exposition vente d'artisanat himalayen du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre à la salle de l'église Sainte-Bernadette à Vendeuvre-les-Nancy. Pour nous en parler, nous avons au téléphone Lucie Vignon, chargée de développement à Solimal, qui nous rappelle dans un premier temps la mission première de cette association qui soutient les populations himalayennes. C'est une association qui existe depuis plus de 35 ans maintenant. Son objectif premier, c'était d'aider les réfugiés tibétains. Et ensuite, ça s'est étendu à toutes les populations en fait, de l'Himalaya, de l'Inde et du Népal. Sa mission première surtout, c'est de faire du parrainage d'enfants pour qu'ils puissent aller à l'école. Donc trouver des parrains-marraines en France pour parrainer un enfant sur place au Népal ou en Inde. Voir aussi parrainer des moines ou des nonnes et des personnes âgées aussi. La deuxième mission, ça va être de financer nos projets de développement sur place en lien avec l'agriculture, l'éducation ou la santé. Voilà, on va revenir sur les deux projets qui sont en cours actuellement. Juste pour revenir sur les parrainages, c'était la mission première de l'association et ça existe toujours. Vous avez beaucoup d'enfants ou même d'adultes qui sont parrainés aujourd'hui? Oui, ça existe toujours. On est à peu près à 1600 enfants et adultes parrainés. Et là, par exemple, on a 40 dossiers en attente de parrainage. Voilà, donc vous recherchez toujours des parrains. Donc on cherche toujours des parrains marraines. Voilà, et cette exposition vente, c'est l'occasion de rencontrer aussi des bénévoles de l'association Solimal, d'échanger, d'en connaître un peu plus. Mais bien sûr, il y a aussi cette occasion de pouvoir trouver des cadeaux de Noël. On approche bien sûr des fêtes de fin d'année et plutôt d'être original dans ces cadeaux. Qu'est-ce qu'on va trouver sur place? Oui, c'est ça, hein, c'est une manière de faire ces cadeaux de Noël aussi. On va trouver des bols chantants, par exemple, des écharpes en cachemire, donc ça vient directement du Népal et c'est fait à la main, du thé, de l'encens naturel, des objets bouddhiques pour les gens qui sont plus spécialisés sur le bouddhisme, et des vêtements aussi de l'Himalaya, des vestes en laine très chaude pour l'hiver, ça c'est très bien aussi. Et toute cette diversité, ça va permettre de financer ce que vous évoquiez tout à l'heure, différents projets. Il y en a certains qui s'achèvent, d'autres qui débutent cette année. Ça va être quoi? Ça va être surtout deux projets qui ont lieu au Dolpo, qui est une région de l'Himalaya népalais, assez reculée, assez éloignée de la capitale et des grandes villes. Nos deux projets, c'est financer des serres pour une centaine de familles pour qu'ils puissent avoir la possibilité de cultiver plus longtemps leurs légumes dans l'année et en faire de la revente. Et le deuxième projet, c'est de planter des vergers, des noyers, des pommiers aussi pour, si on peut, une centaine de familles aussi, pour qu'ils puissent aussi subvenir mieux à leurs besoins en fait. Voilà, des choses très très concrètes. Vous, Lucie Vignon, vous êtes chargée de développement aujourd'hui à Solimal, mais oui. C'est un pays que vous connaissez, une région que vous connaissez bien? Le Népal, c'est une région, enfin un pays que je connais bien. J'ai fait mon doctorat en anthropologie sur une région himalayenne voisine au Dolpo qui s'appelle le Mustang. J'ai passé énormément de mois et de temps avec les populations là-bas sur place pour comprendre comment elles fonctionnent, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs cultures aujourd'hui. Et qu'est-ce qui vous a marqué, vous, lors de votre séjour sur place? Beaucoup de choses m'ont marqué. Je dirais les difficultés d'accès à l'éducation, le fait que pour les populations, il y a des écoles proches, maintenant des écoles publiques qui sont proches, mais qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Donc toujours essayer de trouver une école privée qui soit bonne, ça coûte plus cher, etc. Donc ça, c'était aussi la difficulté, je dirais, première des familles, trouver l'argent pour pouvoir amener leurs enfants dans des bonnes écoles, quoi. Et donc, toute cette expérience, ça vous a donné envie de vous investir donc, dans cette association Solimal aujourd'hui? Oui, c'est ça. Je me suis dit que ce serait intéressant d'utiliser les connaissances que moi j'ai pu obtenir grâce à mon doctorat, les utiliser de manière plus concrète en faisant un travail associatif en fait. Voilà, une exposition vente solidaire d'artisanat himalayen du 29 novembre au 1er décembre. Et le hasard de la programmation télé fait que l'émission que beaucoup connaissent maintenant, Rendez-vous en Terre Inconnue, avec Tomer Sisley cette semaine, se trouve dans cette région du Dolpo au Népal. Oui, c'est ça. Ça pourra parler aux auditeurs de regarder cette émission, de voir à quoi ressemble le Dolpo et quels sont les challenges de la vie pour les gens là-bas. Voilà, et venir échanger après avec les bénévoles de l'association Solimal, donc lors oui, de l'expo-vente. Ils sont partis sur place. Donc, En plus, donc voilà, ça permet de confronter aussi les avis, les sentiments. Et donc ça se passe à la salle sous l'église Sainte-Bernadette, c'est près du Vélodrome à Vendeuvre-les-Nancy, c'est au 1 rue Général Frère. L'entrée, elle est totalement libre et c'est de 10h à 19h. Merci beaucoup Lucie Vignon et bien sûr, il y a un site internet si on veut en savoir plus sur l'association Solimal. Oui, donc www.